Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mi-Science Impossible. Notre mission, c'est de vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Qui sommes-nous ? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez. Elle est présente à Nancy depuis 1887 et elle se situe près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors, prêt à partager un moment de science en notre compagnie ? On se retrouve donc aujourd'hui pour la 10e émission de Mi-Science Impossible en compagnie de 3 chroniqueurs qui sont Léa. Bonjour. David. Bonjour. Et Thomas. Salut tout le monde. Alors, pour commencer cette émission, je vais proposer à Thomas de commencer tout simplement sa chronique et il va nous parler du popcorn. Bah, forcément, on a l'habitude avec notre émission. Et oui, c'est l'heure du goûter et je me suis dit, tiens, on va pouvoir parler un peu de choses sucrées. Tout le monde connaît le popcorn. Vous savez, le fameux maïs soufflé que l'on déguste salé ou sucré. Moi, j'ai une petite préférence pour le sucré et qui est généralement associé aux lieux de divertissement comme le cinéma ou le cirque. Et d'ailleurs, il y a même certains qui le font chez eux pour une petite soirée film avec un petit plaid tout doux. Je me suis posé quelques questions d'ailleurs sur le popcorn. Bah, vraiment, bah déjà, pourquoi ça fait pop ? Parce que c'est quand même le truc un peu important là-dessus. Comment on le fabrique et surtout, bah, pourquoi quand on le fait dans une casserole, il saute ? Du coup, on va tenter de faire comme le popcorn, on va tenter de s'éclater. Bon, vous me connaissez à force, j'aime bien démarrer avec un peu d'histoire. Du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez à peu près à quand remonte environ la découverte du maïs soufflé ? Moi, je m'en fiche un peu tant que je le mange. Moi, je pense que ça remonte à loin. Oui, bah, non, mais loin, ça veut tout oui, rien bah, dire. Oui, mais bon, j'ai pas de date précise. Ça me paraît un peu bizarre, mais je sais pas, je dirais 1800. Moi, je dirais avant, 1700. Oui, comme par hasard. Laurie ? En vrai, je sais pas, c'est très... Enfin, on a aucune idée des dates. Moi, juste pour aller contre les gens, je veux dire 1500, voilà. Eh bien, c'est Laurie pourtant la plus proche, parce que les premières traces qu'on a chez les Européens, merci, en tout cas, c'est autour de 1519, lorsque Hernán Cortés, donc le fameux conquistador espagnol, il est arrivé aux Amériques. Les Aztèques, en fait, faisaient chauffer des grains de maïs dans des jarres en terre cuite, et ils ajoutaient parfois de la poudre de piment avec, parce qu'en même temps, ils mettaient du piment quasiment dans tous leurs plats. Donc après, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'ils ont commencé à faire du maïs soufflé pour les Aztèques, mais nous, on sait qu'on connaît à peu près les Européens, le maïs soufflé depuis à peu près cette époque. La méthode a été ramenée en Europe, puis s'est surtout installée aux États-Unis, où il s'est bien commercialisé. Et c'est surtout en 1890 que le popcorn a pris de l'ampleur, avec l'invention de la première machine par Charles Crutors, qui avait une grosse industrie dans tout ce qui est confiserie. Et avec la progression de développement du cinéma, le popcorn s'est répandu encore plus facilement. Forcément, ça coûtait pas cher à fabriquer, et on pouvait le vendre assez facilement. Alors voyons comment ça marche exactement. Donc pour faire un beau popcorn, donc chez vous, il faut mettre un peu de matière grasse dans une poêle ou une casserole, généralement du beurre ou de l'huile, et on ajoute ensuite des grains de maïs, et on ferme avec un couvercle jusqu'à ce que le grain pop, c'est-à-dire qu'il devienne popcorn. Généralement, là, tout le monde voit à quoi ça ressemble. Et en fait, l'eau qui se trouve à l'intérieur du grain va se transformer en vapeur au contact de la chaleur. La vapeur va augmenter la pression à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle va pousser plus fort pour sortir de la coque, et lorsque la pression devient trop forte, la coque du grain va céder et la vapeur en sort. À ce moment-là, tout l'amidon qu'on trouve dans le grain va pouvoir sortir et gonfle comme un ballon. L'amidon, pour information, c'est ce qui compose principalement le maïs forcément, mais également certains féculents comme la pomme de terre. Donc oui, toute la partie blanche qu'on mange du popcorn, c'est uniquement de l'amidon de maïs. Et on peut avoir des choses très précises là-dessus, parce qu'en 2015, il y a deux chercheurs français qui se sont penchés sur le cas du popcorn, visiblement ils n'avaient pas grand-chose à faire, et ils ont mesuré que la coque cède précisément à une température de 180 degrés. Pour information, c'est la température moyenne de cuisson d'un gâteau au four, donc c'est pas hyper chaud, c'est assez classique en température. Concernant le bruit, ils se sont rendus compte que c'est après la fracture du grain et lorsque la vapeur s'échappe d'un coup que l'on entend le pop. Donc oui, en fait, c'est pas le grain qui cède qui fait pop, c'est parce que la vapeur en sortant va créer une sorte de vide dans le grain qu'on va nommer dépression. En s'échappant, la vapeur laisse une cavité vibrante qui va faire pop en se remplissant à nouveau d'air. C'est le même mécanisme que lorsqu'on ouvre une bouteille de champagne. Et enfin, les chercheurs ont remarqué que si le grain saute entre guillemets dans la casserole, ce n'est pas parce que la vapeur en saute, mais plutôt lorsque la mousse d'amidon s'échappe et gonfle. Elle forme une espèce de petit bras qui va prendre appui contre la surface de la casserole et va se repousser en arrière. On peut faire à peu près le genre d'expérience dans une maison. Il suffit juste de tendre ses bras, les replier légèrement afin de placer les paumes en direction d'un mur. Si on tend les bras d'un coup, les mains vont prendre appui dessus et on va pouvoir se propulser un peu en arrière. Il faut voir les bras comme l'amidon et le mur comme la casserole. Vous connaissez maintenant un peu mieux les secrets du popcorn et vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas comment il se crée. Il ne vous reste plus qu'une question à résoudre. Vous êtes plutôt sucré ou salé ? Moi, je suis les deux. Sucré. Mais maintenant, j'ai peur que quand je mange du pop-corn, si je fais un petit halo pop-corn au tolard, je pense trop à la décompression et au pop. Faut pas trop décompresser non plus avec le pop-corn. J'espère. Bon, ben, merci Thomas pour ta superbe chronique. Elle nous a vraiment éclaté. Et on va maintenant passer... J'ai connu de meilleures blagues, mais alors celle-là... J'ai bossé sur ça, attendez. C'est presque ça, plus flippant. On va maintenant passer du coup à la chronique de David à propos de la lessive. C'est ça. Alors bonjour à tous. Alors moi, je vais parler d'un thème du coup qui va évoquer une émission précédente. Aujourd'hui, je parle Weshden. Je parle caleçon sale. Et non, je ne parle pas de toi, Thomas. Je parle de lessive. Et ça, bien sûr, ça fait écho à la toute première chronique de la toute première émission de cette saison qu'Axel avait fait et qui était sur la mousse, si vous vous souvenez bien. Alors pourquoi ça fait écho, vous allez me dire? Parce que nos machines à laver ne sont pas connues pour mousser. Eh bien, tout simplement, si vous avez écouté la première émission, Axel nous parlait de tensioactifs. Et ces tensioactifs sont un des principaux ingrédients de nos lessives. Pour rappeler simplement ce que c'est un composé qui possède deux parties. La première, elle est comme Thomas, elle adore l'eau. La deuxième, c'est un peu comme Gérard Depardieu, elle aime pas trop ça. Maintenant, si on imagine une tache de gras sur un jean, alors la partie hydrophobe, celle qui n'aime pas l'eau, elle va se mettre dans le gras. Et l'autre partie hydrophile, donc qui aime l'eau, elle reste dans l'eau de lavage. On a donc plein de tensioactifs tout autour de chaque tache qui vont se resserrer de plus en plus pour former des gouttelettes minuscules qui vont se détacher du tissu et partir dans l'eau de lavage. On a ensuite, dans notre lessive, par exemple, des agents anti-redéposition, qui sont en gros des énormes molécules qui vont se mettre à la place du gras que les tensioactifs viennent de retirer et donc bloquer le passage à de nouvelles molécules qui pourraient tacher. On a aussi des enzymes. Alors c'est quoi ce truc? Eh bien ce sont des protéines que nous avons dans le corps et qui ont des propriétés catalytiques. Encore un mot bizarre. Un catalyseur, c'est juste un composé qui accélère une réaction chimique sans paraître y participer. Donc en gros, il aide à la réaction, mais pour autant, il y en a autant au début qu'à la fin. Chaque enzyme a ses propres cibles. Par exemple, si on prend l'amidon dont Thomas nous parlait tout à l'heure, c'est l'amylase qui va découper l'amidon en petites particules. Non, il n'y a pas de blague sur toi, Thomas. On met donc plein d'enzymes dans la lessive et on va leur demander de découper les molécules en tout petits trucs fins qui vont partir facilement dans l'eau de lavage. On peut bien sûr ajouter plein d'autres produits pour avoir une lessive qui bat toute la concurrence. Mais voici les principaux composés. Maintenant, un des problèmes qu'on peut avoir avec nos lessives, c'est que le nouveau pull rouge avec les petites boules bleues tout autour acheté par mamie à Noël, ils rendent mes beaux t-shirts blancs tout roses. Et ça, c'est pénible, hein. Enfin bon, c'est plus trop un problème parce qu'on a juste à appeler Joséphine Ange Gardien. Elle nous file une lingette anti-décoloration et hop, c'est réglé. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'était une petite pub. Hein. Mais bref, comment ça se fait que la couleur du pull vienne préférentiellement sur ce tissu plutôt que sur mon t-shirt? En fait, la lingette, elle est traitée de façon à ce que quand elle se trouve dans l'eau, elle soit chargée positivement. Et les colorants qui sont chargés négativement sont donc attirés sur ce tissu. Alors ça veut dire quoi ça? Bien, je suppose que vous connaissez tous ou vous avez entendu parler de l'électron. C'est juste une ch'tite particule qui a... qui a la propriété d'être chargé négativement. Et bien, si on a un surplus de ces électrons, on est donc chargé négativement. Et à l'inverse, si on n'en a pas assez, on est chargé positivement. Et les deux s'attirent comme des aimants. De plus, le mouvement de la machine fait que le tissu est bien mélangé. Et du coup, ça permet de capturer un peu plus de colorant. Enfin voilà, la prochaine fois que vous ferez votre lessive, vous saurez ce que vous mettez dans votre linge sale. Merci David pour cette chronique. Elle m'a lavé de tous mes préjugés sur la lessive. Et d'ailleurs, à croire que tout était prévu, on va se laisser le temps de la chanson Car Wash de Christina Aguilera. Driving on them like this. rocks in the water make their jaws lock. When I swim through the grim, I'm too hot. Y'all can make your best, y'all small tuna fish, I'm one big catch. I'm two shots, Slayer. I bow down, player, cause this right here will be your worst nightmare. Work that, pop back, hurt that. Turn this up and bang it all up on the surface. 9 to 5, I gotta keep that fat stack coming. No matter how big the shark gets, the bike keep running. Washing cars ain't no place to be a superstar, man. That's why I work and work. Working at the car wash. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet dans l'émission Mission Impossible. Si vous nous rejoignez, nous avons pu entendre deux chroniques de David et Thomas. Si vous souhaitez les entendre ou les écouter à nouveau, vous pouvez les retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube. Alors, en ce moment, donc la période actuelle, elle est propice aux tests. Et d'ailleurs, je crois que c'est le sujet qu'a choisi Léa. Mais bien sûr, je ne parle pas de tests PCR ou antigéniques, mais plutôt de tests de grossesse. Donc, je laisse maintenant la parole à Léa. Merci Laurie pour cette blague un peu gênante. Avant tout, si mes parents m'écoutent, je préviens juste à dire que je ne suis pas enceinte, ne vous inquiétez pas. J'étais tout simplement en cours avec Axel, un de nos chroniqueurs, et notre prof d'option, il nous a expliqué la microfluidique. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ce que c'est dans un instant. En prenant comme exemple le test de grossesse, et j'ai trouvé ça génial. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler du fonctionnement du test. Pour savoir si une femme elle est enceinte ou non, il suffit qu'elle fasse pipi sur la tige du test et qu'elle attende de voir si le test va indiquer un plus ou un moins. Mais la technologie est plus complexe que ça. En effet, la fabrication d'un test de grossesse se base sur la microfluidique. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais demander à nos chroniqueurs s'ils savent déjà ce que c'est. Bah, mis à part te dire que c'est une matière enseignée dans notre école par Thibaut Rockarme. Fais attention, publicité. Hein. J'ai pas dit le nom de l'école. Et toi, Laurie? C'est une bonne question. Microfluidique, non? Bah, en fait, est-ce que c'est un rapport avec la mécanique des fluides, peut-être? Ça se trouve, je dis n'importe quoi, ce qui est probablement vrai. Pas vraiment. Mais ça en fait partie, mais c'est pas l'objet principal. Ben, je t'en prie, éclaire-nous. En fait, c'est l'étude et la mise en œuvre des écoulements à petite échelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, petite échelle? Donc, est-ce que vous avez une idée, vous, les chroniqueurs, de ce que ça veut dire une petite échelle? À l'échelle du... entre le micro et le millimètre. Si tu te réfères au nom, c'est plus dans le micromètre. Ouais, micromètre, ouais. Eh bien, c'est une notion assez relative. Donc, comment dire, une petite échelle, pour un géant, ça peut être nous. Les humains. Et pour les humains, l'échelle d'une molécule est une petite échelle. Donc déjà, tout dépend du référentiel que vous prenez. Ici, on va voir que l'écoulement s'effectue dans des petits canaux et il est de l'ordre de quelques micromètres de diamètre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ la taille d'une fourmi. Cette technologie, elle permet la fabrication de dispositifs manipulant de très petites quantités de liquide. C'est pour ça que c'est très intéressant pour les industries. Cette étude, elle intéresse énormément les scientifiques parce que les propriétés des fluides utilisés changent. Par exemple, le fluide s'écoule sans aucune turbulence. Pour voir ce phénomène, ben prenons l'exemple de l'eau dans un évier. Lorsque l'on ouvre un tout petit peu le robinet, le fluide il s'écoule dans une ligne parallèle. Je ne sais pas si vous le voyez, vous les chroniqueurs. Dans l'évier ou du robinet? Dans l'évier. Ah oui, dans l'évier, oui, je vois. Voilà. Et on parle du coup là d'écoulement laminaire. Et quand on ouvre un peu plus le robinet, ben le chemin il est irrégulier et il s'agite. On parle d'écoulement turbulent. Comme vous le savez probablement, les tests de grossesse que vous trouvez dans le commerce, ils sont à des prix abordables entre 1 à 10 euros selon les marques. On peut voir ici que la microfluidique, elle permet de redire non seulement les quantités de fluide utilisées, mais aussi d'avoir un coût beaucoup plus faible. Ce qui est intéressant aussi, non seulement pour les industries, mais aussi pour les commerçants et les acheteurs, ici nous. Au niveau du fonctionnement en lui-même, le test de grossesse, il repose sur la détection dans les urines de l'hormone bêta-HGC. Le test de grossesse, il consiste à rechercher la présence de cette hormone dans les urines de la femme enceinte. Et sur la tige du test de grossesse est fixé un anticorps anti-AGC avec un colorant bleu. On trouve sur les tests une fenêtre de lecture permettant de savoir si la femme est enceinte ou non. La ligne verticale, elle indique la présence d'une grossesse. Les anticorps anti-AGC sont incolores. Et la ligne horizontale, elle indique le cas inverse. Donc la tige est plongée dans l'urine qui monte le long de la tige. Il y a une réaction qui se passe, une réaction chimique entre l'anticorps et l'hormone, entraînant du coup la coloration de la bande verticale permettant de savoir si le résultat est positif ou non. Maintenant, vous savez tout sur le test de grossesse et sur la microfluidique. En soi, ce que vous avez juste à retenir, c'est que c'est une technique qui est précise, rapide et qui nécessite peu de fluide et à faible coût surtout. Petite précision pour finir, juste, je pense que vous devez vous demander si c'est ce qu'on utilise pour les tests PCR en ce moment. Eh bien, il y a certains laboratoires qui utilisent cette technologie pour réaliser les tests pour savoir si on est négatif ou non, enfin si on est positif au Covid ou non. D'accord. J'espère que maintenant vous savez ce que c'est la microfluidique. Ouais, j'en ai appris. Et que vous regrettiez de ne pas avoir pris cette option. Merci Léa. Pardon, je t'ai coupé la parole. Mais non, merci Léa pour ta chronique, même si on fait déjà assez de tests en cours. On va maintenant passer à votre séquence préférée, c'est-à-dire la séquence jeu. Donc j'ai préparé, en espérant que ce soit... 750 mètres. En espérant que ce soit les bons trucs. J'ai préparé des petites questions pour vous. Vous allez devoir estimer une quantité, un nombre, etc. 750 mètres. Non, mais j'espère vraiment que cette fois-ci, c'est bon. Un sapin de Noël ? Non, pas sur les sapins de Noël. Si on reste un peu sur le thème de David, est-ce que vous savez quel est le record du monde actuel de la bulle de gaz qui a tenu le plus longtemps ? Une bulle de gaz ? Dans quel sens ? D'accord. Tu sais, comme les enfants, pas les bulles de savon, mais enfin, c'est... Mais pourquoi une bulle de gaz ? C'est quoi le rapport avec la lessive ? Je vois pas le rapport. Parce que c'est une bulle ! Répondez à ma question. Combien de temps elle a tenu ? Combien de temps elle a tenu ? 40 oui. secondes. En plus, vu qu'on sait pas la taille, ça... Ouais. Moi, je vais dire en minutes. Moi, je dirais... Pas si ça monte. Je sais pas comment... Ouais, j'ai envie de dire 12 minutes, parce que j'ai aucune idée du temps. J'ai aucune notion. Moi, je vais dire 20 minutes. Léa, tu m'as dit 40 secondes. 40 secondes, et ben, c'est pas ça. C'est 465 jours. Oh la vache! Je suis plus proche. Mais c'est parce que c'est pas une bulle ordinaire, c'est une bulle qui a été renforcée avec de l'eau et du glycérol, ce qui fait que ça tient beaucoup plus longtemps qu'une bulle normale, comme quand tu fais ton savon là, et que ça explose. Ouais, c'est une sorte de... Alors apparemment, le glycérol et l'eau, ça fait une sorte de bulle de savon. Oui, mais c'est une bulle spéciale, ça a été renforcé. C'est pas une bulle de gaz, c'est une bulle de savon. Il y a un film composite déjà, autour. Déjà, une bulle de gaz, ça me paraît bizarre. Ça n'a aucun sens. Non, mais arrêtez. En plus, c'est vrai, c'est une vraie information. Vous voulez vérifier. C'est marqué bulle de gaz. Oui, il y a écrit bulle de gaz. Bah après. Il y a marqué cette bulle était très particulière. Il y a marqué sa structure a été renforcée à l'aide de plusieurs couches d'eau et de glycérol. Autrement dit, il s'agissait d'une bulle de gaz. Comme le rappellent les chercheurs, les bulles de savon sont fragiles et donc éphémères. Leur bulle de gaz a quant à elle été protégée à l'aide d'un film liquide composite permettant sa conservation dans une atmosphère normale durant plus d'une année. Et est-ce que la bulle était de forme torique pour faire plaisir à monsieur ? Donc vous m'embêtez, c'est vrai pour une fois. Pour une fois. Pour une fois. Eh bien on va faire une pause parce que vous m'énervez. Non, avant de continuer le jeu, on va faire une petite pause musicale et on vous laisse sur la chanson Cendrillon de Téléphone. Cendrillon, pour ses 20 ans, est la plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle part. We'll be right back. notre père qui est si vieux, as-tu vraiment fait de ton mieux? Car sur la terre et dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. Vous êtes de retour sur Radio Fadjet dans l'émission Mission Impossible. Si vous nous rejoignez, nous avons pu entendre trois chroniques de David, Thomas et Léa. Si vous souhaitez les entendre ou les écouter à nouveau, vous pouvez les retrouver sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou YouTube. On va donc continuer avec notre jeu. Alors, récemment, donc le 23 novembre, on a trouvé un manuscrit, un document de 54 pages écrit de la main d'Albert Einstein et ça a été vendu aux enchères il y a pas longtemps. Bon, je sais pas le prix de vente, c'est pas la question que j'ai, mais Vincent Belois, spécialiste du département livres et manuscrits à Paris, qui a estimé le prix de vente de cet objet. À votre avis, de combien est-il? À votre avis. Je comprends pas trop ta question. En fait, t'as dit que t'avais pas le prix. Ouais. J'ai pas le prix de vente aux enchères, mais j'ai le prix estimé par un spécialiste. Il était sur quoi le livre, le manuscrit? Pour le moment des sciences d'Albert Einstein. Alors, ça a été écrit par Albert Einstein et par son ami et collègue Michel Besseau. Ah, bah Michel Besseau, évidemment. Donc, j'espère que ça t'aide beaucoup. C'est une réponse tout autre à ma question. Mais l'estimation, bah, ça va être dans les millions. Sachant que Albert Einstein est très connu et qu'en plus, c'est un truc ancien, je pense que ça doit être même plus cher qu'une œuvre d'art. Hein. Ça doit coûter hyper cher. Je dirais au moins 5 milliards. Moi, je vais dire 20 millions quand même. 54 pages. Hein. Je ne vais pas aller aussi haut. Moi, j'étais vraiment sur du 500 000. Moi, je dirais vraiment 5 millions. Ça reste comme... 5 millions, 500 000 et 20 millions. 5 milliards, moi. 5 milliards. Faut pas oublier. Moi, j'ai dit 20 millions. Ça a beau être inestimable, ça reste un ouvrage qui a quasiment moins de 100 ans. 106 ans, pour être précise. Bah ouais, mais c'est sur la théorie de la relativité quand même. Ouais, mais ça reste un livre. Quand tu vois que... Enfin, je pense, après, quand les informations sont médiocres... Quand tu vois que certaines... quand tu dois redémontrer certains trucs et ils sont payés à des prix exorbitants, ouais. Je me dis que c'est possible. Ouais, mais après, je me dis, l'œuvre d'art la plus vendue, qui a été vendue le plus cher, je crois que c'est autour des 300 millions. Ça allez, si tu veux, je le mets à 1 milliard. C'est énorme. Moi, je reste à 500 000. 500 000. Moi, 20 millions. Toujours. 20 millions. Eh bien, c'est Thomas qui est le plus proche, puisque ça a été estimé entre 2,3 et 3,4 millions d'euros. Ce qui est déjà une somme énorme. Ça va. Mais ça va, moi, je trouve. Ça reste un bouquin. Mais bah, oui, mais c'est quand même pages. Albert Einstein qui l'a écrit. J'ai ça, j'ai acheté un bouquin une fois qui valait plus cher, qui valait comme cher. Oui. Génial. T'as acheté quoi? C'est un livre qui date du 17e. C'est fascinant! Ça sert à rien! Alors, est-ce que vous voulez une autre question? Bah non. Oui. Non, Léa, je le prends bien. C'est je rigole, vas-y. Moi, je veux bien parce que j'aime bien vu que j'ai gagné. Vous allez encore m'engueuler de toute façon. Alors, à votre avis, quelle est la durée d'un vol en avion le plus court possible? J'ai vraiment peur de cette réponse. Le plus court possible? Le plus court qui existe. Alors, ça doit être plus court qu'un Paris-Londres. Mais Paris-Londres, c'est combien? 58 minutes. Donc, je pense que ça doit faire plus court. Je pense que ça doit être 15 minutes. 1 minute 30. Oh non, je voulais dire 5 minutes, mais... 1 minute 30, 5 minutes et... 15 minutes. J'imagine bien l'avion qui décolle et qui atterrit. En fait, il fait tout. 10 minutes. Alors, c'est Thomas, encore une fois, qui a raison. C'est 2 minutes. 2 minutes. Ça sert à quoi de prendre un vol de 2 minutes? Oui, en fait, c'est un vol effectué... Le vol s'appelle LM711. C'est des compagnies écossaises. Ça relie, en fait, deux îles écossaises qui sont à 2,74 km l'une de l'autre. Et donc, ça se fait en 2 minutes en avion. Je ne sais pas l'intérêt de faire ça en 2 minutes, mais c'est un Guinness record qui est détenu par, justement, l'Écosse. Bah, s'il est détenu par l'Écosse, alors... C'est bizarre, pourquoi pas prendre le bateau? Bah, tu leur poseras la question. Tu demanderas aux Écossais. Désolée, je ne vais pas aller sur une île. Je te trouve très désagréable aujourd'hui, Laurie. Je suis désolée, parce que je me sens agressée face à mes questions. J'aurais presque envie de vérifier toutes ces sources à la fin. Allez, c'était sympathique. Ah, c'est ça la dernière question? Tu en veux une autre? Oh, oui. Une dernière. Oui. Oh, mais je crois que vous connaissez déjà la réponse, j'en ai qu'une autre. Vas-y, 750 dis-nous. Mètres. C'est combien de fois on doit plier une feuille pour atteindre la distance Terre-Lune? Pour ça fait beaucoup. Alors, sachant que c'est pas possible d'un point de vue technique. Oui, mais c'est hypothétiquement... Non, mais merci Thomas. Parce qu'on peut pas plier une feuille plus de 7 fois sur elle-même. Oui, mais hypothétiquement, combien de fois faudrait plier une feuille? Une feuille A4? Une feuille classique, A4. Combien de fois il faudrait la plier pour atteindre la distance Terre-Lune ? La distance Terre-Lune qui est de 384 400 km. J'avais entendu ça, c'était pas si... C'est pas énorme. C'était pas si grand que ça. Je dirais 48. 48 ? Non, pas 48, 42. Parce que j'aime bien le chiffre 42. Moi, aussi un nombre. Je dirais 88. 88. Les Vosges. Et David de, et ben, j'ai 63, pas le Puy de Dôme. 63 ? C'est bizarre. Il... Alors, on a un heureux gagnant qui a la réponse exacte. Oh non. Et qui est Thomas. Non, mais t'es trop chiant, Thomas. Thomas, c'est 42 fois, oui, 42 fois d'affilée. C'est vraiment le 48. Oh, je fais 42, j'aime bien 42. Bah, tu as raison. Tu as triché. J'aurais aimé. Il a regardé mon ordinateur, donc peut-être qu'il a triché ah bon tout à l'heure. Pour ça. Pendant la pause musicale. Personne t'a vu. Je suis même pas à côté de toi. Voilà. Ben, du coup, félicitations à Thomas qui a gagné ce jeu incroyable. Est-ce que j'ai le droit de gagner 1 euro ? Non, tu as le droit de rien gagner. Un pain au chocolat quand même. Non, tu vas nous acheter le goûter pour la peine. Okay. Ou alors le livre d'Einstein, tu préfères. Je préfère le goûter perso. Je préfère le goûter aussi. Oui, de la nourriture. Je prendrais du popcorn. Un petit Allo Popcorn. Allo Croc, je préfère. Merci à tous d'avoir suivi l'émission incroyable d'aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez réécouter nos chroniques, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Bonne fin d'après-midi à vous. Salut !